Planète Rap. 100% rap français. Et c'est parti pour la nocturne 100% rap français, comme chaque vendredi soir, juste après Difool à minuit 14. Coup d'envoi de cette nocturne avec une double. Pattaya, la bande-son est sortie numéro 1 des ventes. Numéro 1 des ventes pour Pattaya sur Skyrock. En attendant le film qui sort mercredi, on va écouter Lapsolab, Slacrim, Sadek, SCH, Monfrolo. Il y aura aussi du son de SCH. On mettra aussi un autre titre de Rimka et d'AP du 113 Pattaya. Coup d'envoi de cette nocturne. MZ qui est là aussi avec Nekfeu à écouter dans quelques minutes. Du son de MHD, du son de Sultan, du son de La Fouine. Bref, vous êtes prêts? Yes, coup d'envoi. Eh ben, je sais pas comment on va finir. C'est bien ça le problème de la nocturne. C'est parti. Planète Rap. 100% rap français. Yo. Lapsolaps. Pattaya, frère. Pattaya, frolo. Yo. Yo. FDLRC, frère. Remix. How I gone. Go. Je tire dessus gratuitement. Je le fais pour mon frolo. Tu achètes la même montre que moi, parce que c'est mon frolo. Il conduit toutes mes voitures. Mon frolo, mon frolo. Il a raté aucun parlu sur 4 piges. Je le kiffe, c'est mon frolo. Mon frolo, mon frolo. Mon frolo, mon frolo. Mon frolo, mon frolo. Mon frolo, mon frolo. En direct de Pattaya, j'ai tout niqué, j'ai plus d'oseille. Mes frôles, je veux refaire la guerre, les monter jusqu'au ciel. On fait la pub pour les frôles, tu seras toujours bien viscère. Ils sont bien sapés, incrustés même dans le désert. Fonctionnaire, fonctionnaire, fonctionnaire, fonctionnaire, actionnaire, actionnaire. Avec les frôles, on sait le faire. Je suis comme les frôles laps, on donne que des carrés d'as. Pas comme tes copains qui vont s'allumer pour une tasse. Viens, tire dessus gratuitement. Je le fais pour mon frôlo. Je lui achète la même montre que moi. Parce que c'est mon frôlo. Il conduit toutes mes voitures. Mon frolo, mon frolo. Il a raté aucun parlu sur 4 piges. Je le kiffe, c'est mon frolo. On est en I, ils sont en ITT. Mon frolo, frolo, où t'étais? Quand j'étais en S, quand j'étais à pied. Quand y'avait pas le fer, l'île est de Giuseppe. On l'a fait, on l'a fait. Là, c'est Laurent Blanc, la rue c'est le PSG. Grosse équipe, faudra plusieurs bolides. Dis à tes copines qu'elles suivent au télo. Là, yeah, on y est, on y est. Mon frolo, mes frères, on y est. On y est, on y est. Mon frolo, mes frères, on y est. Y'a Walker dans mon joli Hallyday. J'sors de tôle, j'vends de la drogue, j'suis refait. J'ai perdu du temps, mon frolo, j'ai le rattrapé. Mon frolo, on y est. Mon frolo, mon frolo. Elle s'assoit sur ma bite aussi sur celle de mon frolo. Ma fac on t'nique. Normal. Je l'ai rodé toute la nuit dans la ville avec des tasses dans ma gueule. C'est mon frolo, frolo, frolo, frolo, frêle. T'as voulu me serrer la main, je l'ai gardé dans ma poche. Fais la paysan, mes frolo, frolo, frolo, frolo, frêle. Ton corps dans un coffre et le chauffeur. Et mon frêle, et mon frêle. T'as un peu Pattaya. Ouais, mon frêle. Dédicace à corps, numéro 1 corps. L'aventure continue. Sans jamais assez riche, moi et mes frêles, on a la dalle. Je vais chercher l'argent là où il est, la vie à l'absence. Je vais chercher l'argent là où il est, la vie à l'absence. La vie de mon gueule que tu finis dans le cendrier. Y'a FDLRC, mon frolo t'as pas idée. Sur ma vie un million de fois que vous allez me le payer. Y'a en millions d'euros que vous allez me le payer. Mon frolo, montre-leur comment on fait. Y'a la méthode à l'abs, allez, je veux vers costard violet. Balle dans ta tête pour mes frangos, balle dans ta tête pour mes frangingos. John Doe, incognito, shoot bang headshot. J'avais un doute là, j'en ai plus. Un 45 comme antidote et j'ai la réponse du rébut. À ma hookah. Vas-y fume, allez fume sur ma hookah. Laps au fucking laps, c'est de la bomba. Allez fume sur ma slap. Je tire dessus gratuitement. Je le fais pour mon frolo. Je lui achète la même montre que moi. Parce que c'est mon frolo. Il conduit toutes mes voitures. Mon frolo, mon frolo. Il a raté aucun parlu sur 4 piges. Je le kiffe, c'est mon frolo. Mon frolo, mon frolo. La bande son est dispo, le film arrive mercredi, Pattaya, à pas louper. Dédicace à Franck Gastambide, à l'écoute peut-être avec Malik Bentala. Les gars, grosse dédicace à vous, Pattaya, à pas louper mercredi sur les écrans. Et la bande son, ce week-end, mon frolo.

avec qui tu veux jouer. Rap. 100% rap français. L'OVNI vient d'atterrir. Box frappe game. Box frappe game dans la nocturne. OVNI. Je pense qu'à faire du sale, remplir les sacs, ils font de la chirurgie pour s'embellir. Soit Golf Benz ou bien BM, le choix entre deal et voler ou braquer. La vie de ghetto nous cache le vrai, nous fait croire que c'est vraiment le seul moyen de palper. On m'a trop menti, depuis je me méfie. Les verres de ton fils, les pointeurs de tes filles. Illuminati, triangle, j'ai vu des signes. Faites l'industrie, j'attends pas qu'on me signe. Je suis meilleur que ton meilleur MC, fais pas comme si. Je suis meilleur que ton meilleur MC, fais pas comme si. 9-3, vous fait ma putain d'inspi. Mets les petits plats dans les grands, bébé sans l'argenterie. Même le diable a l'air gentil. Fille, aller-retour France Antilles. Fil, c'est pour te charger de coke. Oui, plus de bif. Ah oui, le jour férié arrive. Commencez-vous à le sentir. Faut que tu me valides, valide, valide, valide. Ou sinon je frappe encore pire. Bientôt je les baigne, j'ai plus rien à prouver. Bientôt je les baigne, j'ai plus rien à prouver. Bientôt je les baigne, j'ai plus rien à prouver. Bientôt je les baigne, j'ai plus rien à prouver. 9-3, l'OVNI vient d'atterrir. L'OVNI vient d'atterrir. L'OVNI vient d'atterrir. L'OVNI vient d'atterrir. Je redonne de l'espoir à mes chiens de la proie. J'ai le vécu, j'ai le flow, leur match tabasse. Y'a que dans leur game de gosse, on tourne autour de la chaise pour prendre ta place. 4h du mat, je me lève. Bien sûr que la barre je l'ai. Je me suis vu tabasser vos grand-mères et atteindre des sommets. Tu me connais, cognac carmel, je frappe fort, pas de buzz. Ce n'est que partir à mise, flip pas, je dors pas, je suis à Montreuil. M-Factory, l'OVNI, l'OVNI vient d'atterrir. Dans mon bolo, bien molodé. Le diable danse quand les schlacs sont désodés. 36 quais, chacun sa fin, but graveur écroué. Désormais je barre au dans le game en T-Max pétard. Flow casque intégral avant la mi-juillet, je vais sortir le pétard. Par ta carte grise, vide-moi ton compte bancaire et ton compte PayPal. La hagla ça paye pas. Dans le game ça compte pas. Bientôt je les baigne, j'ai plus rien à prouver. Bientôt je les baigne, j'ai plus rien à prouver. Bientôt je les baigne, j'ai plus rien à prouver. Bientôt je les baigne, j'ai plus rien à prouver. Le garçon s'appelle Box Frappe Game. L'OVNI vient d'atterrir. L'OVNI vient d'atterrir. L'OVNI vient d'atterrir. J'ai entendu parler de la planète bleue. Wesh l'humain, j'arrive en paix. J'ai ATM, si que j'ai pas le chapeau ni le costume rose, mais j'arrive en pimp. J'suis dans le vaisseau mère, OVNI. J'atterris, c'est le grand froistin. Je vais les empêcher tous et avec une bastos dans le foie. Je brille, fausse alerte. Sur terre, le salaire est trop bas, sa mère. Début milieu, fin de mois, le rap ne paye pas. Mais je mange pas, t'es pas ta mère. Y'a qu'une route qui nous sépare. Tu portes la merde, on porte la mer. Y'a qu'une chose qui vous sépare. T'as de l'amour pour tes frères, tout pour te la mettre. Golfet, bien PM, le choix entre deal et voler ou braquer. La vie de ghetto nous cache le vrai, nous fait croire que c'est vraiment le seul moyen de palper. Soit Golfet, bien PM, le choix entre deal et voler ou braquer. La vie de ghetto nous cache le vrai, nous fait croire que c'est vraiment le seul moyen de palper. Bientôt je les baigne, j'ai plus rien à prouver. Bientôt je les baigne, j'ai plus rien à prouver. Bientôt je les baigne, j'ai plus rien à prouver. Bientôt je les baigne, j'ai plus rien à prouver. 9-3, l'OVNI vient d'atterrir. L'OVNI vient d'atterrir. L'OVNI vient d'atterrir. L'OVNI vient d'atterrir. C'est la nocturne 100% rap français. Box frappe game. OVNI dans la nocturne 100% rap français. Arrive le son Dreamcus aussi, qui est passé cette semaine dans le Planète Rap avec Core. 100% rap français, Planète Rap. La nocturne. La crime. Quoi? RIMQS, Ripro 2. Enfoiré, j'suis pas le genre de mec qu'on invite dans les soirées. Tu m'as vu dans ta bouche ce soir, mais pour livrer de quoi ne pas la foirer. Y'a que les bolos qui tirent pour des jarrets. Partir en conflit, pour pas un rond. Y'a que pour la mif qu'on est paré. On va croquer ton plan si c'est carré. Mais distribue bien les gains, à part les gars. Sinon mon gars, on va s'égarer. Belle et casque, ces fils d'un pute ne va pas dégarer. Coup de fil anonyme, tu peux vite être dans les petits papiers d'un gradé. À balle réelle, à plan c'est le dégradé. Saccadé, ça fait ratatata. pour être sûr de pas les rater. J'ai fait mes classes sur le renté. Y'a que les vrais qui me connaissent sans les teinter. Je vais les feinter, pas de karaté, on revers. J'ai pas mis un euro dans le canté. Ils sont rincés, j'suis légitime, j'parle de la rue qui va m'évincer. Dépasser, quand j'vois ce qui se passe autour de moi, venez me pincer. C'est la zone, là où sans bif tu n'as pas pied. Tant pis pour l'Amazon, pour tout ce qu'on veut c'est du papier. Assez, légitime pour parler de la rue quand j'suis placé. Dépassé, quand j'vois mes refrains pour rien se faire pincer. C'est la zone, y'a des plantages, des plans pompiers. Tant pis pour l'Amazon. Ce qu'on veut c'est du papier. Ce qu'on veut c'est du papier. Big up au quartier où c'est l'usine. Chez nous c'est H-Mid sur le palier. C'est pas pour refaire la cuisine. Ce qu'on veut c'est du papier. Big up au quartier où c'est l'usine. Chez nous c'est H-Mid sur le palier. C'est pas pour refaire la cuisine. J'rappe sous trop un tal. Pour ceux qui c'est gros pour un tal. Les petits ils ont trop la dalle. Ils tacent l'écran quand ils gardent trop la balle. Cramé comme un napal. Parce qu'on veut se noyer dans ce qu'on n'a pas. Fouiller ton appart. Tomber sur un putain qui fout la barre. Chacun sa part. Chacun son dû. Chacun son apport. Pour se nourrir nous, on paye cash. J'veux rien de voir. Jour où on enfoncera ma porte. Chacun sa part. Ça vaudra mieux que chacun ses torts. Ça peut partir loin de ses. Les ondes c'est les torts. Faut caillasser les portes. Faut qu'à dépasser les portes. Des corps, on s'explique quand faut ramasser les corps. Ouvre les portes du pénitencier pour méga ambiancer. Par le bif, le spliff, le bif, les miss et les gros moteurs sensés. Ils sont rincés, j'suis légitime, j'parle de la rue qui va m'évincer. Dépasser, quand j'vois ce qui se passe autour de moi, venez me pincer. C'est la zone, là où sans bif tu n'as pas pied. Tant pis pour l'Amazon, pour tout ce qu'on veut c'est du pompier. Assez. Légitime pour parler de la rue quand j'suis placé. Dépassé. Quand j'vois mes refrains pour rien se faire penser. C'est la zone. Y'a des plantages, des plans bouquets. Tant pis pour l'Amazon. Pour tout ce qu'on veut c'est du toilette. C'est la nocturne 100% rap français. Rimkus arrive Six alias Sekou MC. Le morceau s'appelle Broly. On va le découvrir maintenant dans la nocturne 100% rap français. Envoyez des messages 41759, le hashtag Skyrock, le hashtag La Nocturne. Ça arrive direct dans le studio. Six. Planète Rap 100% Explicit Lyrics. Passe par la tête, passe par la tête. Face sur rail, tu nous dans les bacs. Passe à la caisse, trace à la FNAC. Quand tu sors de la fac, quand tu sors de ton hall, zigzag entre les flaques de les nuages de fumée et de canapes. Tu vois de mes 10 ans se faire la piste, tu te canalises. De ma signe à B, si la police se banalise. Ouvre le journal et les pages fait divers, te paralyse. Tu peux pas imiter poto, ça va beaucoup trop vite. Je compte pas manger des froliques pendant qu'ils roulent tous en bolide. Flow pour les cousines à s'en arracher les ponies. Show pour tirer les oreilles à ces petits impolis. Fallait pas me pousser dans ma folie. Personne ne m'attendrira, même pas les blondes et jolies. Je vais tous les terrasser, même si derrière eux y'a Sony. Regarde-moi bien dans le blanc des yeux, appelle-moi Broly. Ah, j'en pas comme un tel, on a peut-être un point commun. Casse-moi pas la tête, c'est un trait, j'en viens aux mains. 94, 400 ma ville, je présente trop bien. Ils attendent que tout le quartier leur crache dessus pour faire les chauvins. On n'est pas dupes. Vous ça retarde, on est plus que la stup. On ne valide pas, donc ça ne vendra plus. T'as pas donné hier envers nous, t'es la pire des crapules. Sens-tu que la tension est palpable dans le sud. Chemin tracé à l'album inarrêtable comme un scud. Fais pas le fou, le monde est petit, Paris c'est minuscule. Que les lâches viennent à 10 contre 1, je les encule. Broly. Six, début mai dans les bacs. Planète Rap. 100% rap français. Pattaya est dans les bacs. Tony. SCH. Yeah, yeah. Quoi? La crème. Yeah, yeah. Tony. Montana. Elle sort du hall et se fait courser. Elle prend des kilos qui veut pas payer. Il a les M16 pour leur faire la guerre. Allez le trouver chez lui. Il s'en bat les couilles, il a tous les stups sur le dos. Il ne regarde jamais dans le dos. 28, c'est la revue. My nigga, t'as stuffé le kilo. Il aime dire ni que ta mère est sur mon Glock. Tony Montana, oui, Tony Montana, les fuck. Y'a du Versace, des jamais ce qu'il faut, 3000 heures. Tony n'a pas besoin de. Tony vend pas de la beuh. Tony veut tous les tuer. Ils verront la plein le nez. Explicit Lyrics, la nocturne. La Fouine, Terminus, 4 mars dans les bacs. Kilogramme, kilogramme, kilogramme dans le coffre, on revient que t'aimes pas. Kilomètre, kilomètre, kilomètre parcouru pour en arriver là. Calage braqué sur la tempe, Royal à bijoux à pile ou face. Au quartier j'étais banque à vendre, j'étais distributeur comme Musicast. Triste époque où ces putains de louches à part de tout ce qu'ils n'ont pas. Les tubes font même plus du rap, chante sur du queuse ou du kizomba. Soudoyer, soudoyer, soudoyer dans ma poche, gradé et surveillant. Carapé, carapé, carapé, mettre devant tremblement, bégaiement. Terminé, terminé, terminé, t'en veux banquier, t'as dit terminé. J'laisse ma voiture au Valère. Qui galère à la bûche. Pas les couilles, parti de rien. Roya, je suis né dans ce Netflix. Vous voulez fumer, fouiner. Pas des problèmes, les gars, faites vite. M'emballer un, parti de rien, j'avais juste l'eau d'eau. Galérien, galérien, vise les sommets, un couteau planté dans le dos. Avec un flow pareil, j'suis falhen comme si j'avais gagné au loto. Et tous ces jaloux sont verts, le swag à piccolo. Allumé, allumé, allumé, pareil que tes gros sont fait allumer. Le rap c'est comme un frère au trou, ton associé il faut l'assumer. Broliqué, broliqué, broliqué, et tous les types ont grandi. Le juge ne m'a pas fait de fleurs, à bois d'arma haine à fleurir. Terminé, terminé, terminé, t'en veux banquier, t'as dit terminé. J'laisse ma voiture au Valère, moi qui galère à l'arrêt de bus. couilles, bas les couilles, parti de rien, roya, je suis né dans le 7. Vous voulez fumer, fouiner, pas les problèmes, les gars, faites vite. Terminé, terminé, terminé, ton vieux banquier t'as dit terminé. J'ai ma voiture au balai, moi qui galère à l'heure de bus. Bas les couilles, parti de rien, roya, je suis né dans le 7. Vous voulez fumer, fouiner, pas les problèmes, les gars, faites vite. Terminé, terminé, terminé, le procureur t'a dit terminus. Déterminé, je les ai exterminés, petit le trône est en cactus. Favela, surveille ton dos gamin ou tu finiras comme Jon Snow. Les petits grandissent avec Snap, moi j'ai connu les parloirs fantômes. 1 million, 2 millions, 3 millions, 10 millions, pour moi c'est jamais assez. Rébellion, rébellion, rébellion, et les comptes des gros se font caillasser. Sans pression, sans pression, sans pression, mon avocat m'évite le bracelet. Tu ferais mieux de fermer ta bouche, ou on va te terminer. Planète Rap, 100% rap français. Sultan dans la nocturne. Je vois des visages qui se crisent. On parle de droits humains alors que je vis dans les hors-pistes. On dit de faire la guerre alors qu'à la base j'aspire à être pisse. Je veux kicker comme avant, tu flots, je suis un savant. Sous-estimé, beau soulou, toi putain s'il savait. C'était la S, alhamdoulilah, la team BS. La SACM est tombée, je m'éloigne du four de S. ULTAN, ils ont douté de moi. Ils font les prédateurs alors qu'à la base c'est des proies. Ils disent qu'ils me donnent des coups de main, qu'ils aillent se mettre en toi. Mon petit, tu parles de niquer qui, tu parles de niquer quoi. Allez, rendez-vous, ouais, c'est de quoi vous rendre fou. Ouais, tu gagnes tout, tu viens tout, moi tu c'est tout. Toute l'année le ramadan, ouais c'est tout sur la dalle. J'ai pas utilisé de brolique, c'est juste des trous de poids. C'est le ghetto qui m'abrite, le ciel entend mes échos. Pourtant je viens d'en bas, souvent la poisse qui m'agrippe. Peu importe ce que veut le sort, je me rends pas. Je viens d'en bas, je viens d'en bas. Là où principe et valeur ne se vendent pas. Je viens d'en bas, je viens d'en bas. C'est là où tu trouveras tous mes semblables. On m'a dit de rapper, tout est MC, on paye le prix. Ramène des meufs et des rappeurs, j'ai beaucoup d'appétit. T'as sa CM, c'est même pas une paire de Zanotti. Ils font les fous, c'est des acteurs signés à deuxième comédie. Ouais, j'ai assiégé, le trône, tu lourd en léger. Komoria, Mitsuji, Fumbuni, Yeji. Drôle et mon train de vie, je suis sur le quai, mais le temps passe. J'ai enseigné le rap français, mais t'es lu vite, un temps passe. Innovant, insolent, je kick sur tout, même un son lent. J'savais que j'allais faire mon trou depuis le collège, Robert Roland. Wow! J'sais toujours faire du lourd au cas où t'en doutais. C'est pas ton heure de gloire, c'est celle de ton goûter. L'homme est mauvais, la crasse a remplacé la classe. Un peu comme James, tu sais, je vais pas me voiler la face. J'monte les échelons par instinct car je sors de la tête. Bien sûr, c'est de la merde d'aller au front pour une histoire de fesse. J'ai le ghetto qui m'abrite, le ciel entend mes échos. Pourtant, j'viens d'en bas. Souvent la poisse qui m'agrippe, peu importe ce que veut le sort, j'me rends pas. Je viens d'en bas, je viens d'en bas. Là où principe et valeur ne se vendent pas. Je viens d'en bas, je viens d'en bas. C'est là où tu trouveras tous mes semblables. Je peux pas tomber. commencé à même le sol. J'tiquais dans les vœux clouds dans la tête et c'est parapole. J'ai commencé en inté, comme les grands sur le raté. On squattait déjà les gardes à vue, mais pas les salons de thé. J'suis août, partie de foot, rien pour faire des quand va. Sans aucun doute, je découpe, quand j'arrive, tu t'en vas. J'suis perdu comme un putain de lover cocu. Ou une vraie paire de yoko au milieu de faux cul. C'est le ghetto qui m'abrite, le ciel entend mes échos. Pourtant, j'viens d'en bas. Souvent la voix qui m'agrippe, peu importe ce que veut le sort, j'me rends pas. Je viens d'en bas, je viens d'en bas. Là où principe et valeur ne se vendent pas. Je viens d'en bas, je viens d'en bas. C'est là où tu trouveras tous mes semblables. 92, 220, tu sais bien d'où je viens. Je viens d'en bas, là où principe et valeur ne se vendent pas. Je viens d'en bas, je viens d'en bas. C'est là où tu trouveras tous mes semblables. Planète Rap 100% Explicit Lyrics. C'est la nocturne 100% rap français avec Alinda 135. Aladdin 135. Le morceau s'appelle Balade. Aladdin, 135. Balade. On marche dans la rue sans même savoir où cela nous mène. J'escalade les marches, je casse pas la démarche, on sait pas ce qu'il y a sous terre. Moi j'aime les gens, mais je connais le vice et je sais qu'il a pris de la place. Pour nous les enfants de la rue, assis au fond de la classe. Ma belle, t'es jolie, mais j'ai peur de te briser le cœur. Si tu savais ce qu'on a fait, même le plus beau des palais pour toi serait qu'une triste demeure. C'est pas facile de changer, une mère difficilement contrôlable. Mais si tu es en danger, tu peux vite te serrer contre moi. Les profs, les keufs savent qu'on se tait pas. Tu veux raconter quoi? T'es pas au-dessus, je suis pas en dessous. Non, je suis assis à côté de toi. Le respect c'est la base, boss, si tu veux pas qu'on te baise. Le respect est là-bas, mort, couché au milieu des braises. Ce n'est pas dur de faire le tri, tous les traîtres sont avertis. Leur carrière on les fait avorter, elles ont pas commencé à vrai dire. Le circuit de la vie se termine le jour où l'auto n'a plus de gaz. Je sais pas quel sera mon avenir, je joue avec le feu, je m'embrase. J'ai flanché depuis la maternelle, j'étais une vermine quand j'étais à l'école. J'ai semé toute ma haine et le fruit du rap sera ma récolte. Vivre ou mourir pour les potes, courir quand t'as rien dans les poches. J'ai que besoin de mes proches, de quelques joints de ma copse. Ressens-tu les cris de la musique qui battent dans mon cœur qui était là quand rien n'allait? Au sein de mes écrits, des débats pendant des heures, pendant que la purple je l'inhalais. Si tu t'en allais, sache que mon cœur serait gris, gros, migraine, car on doit mettre le nid trop. Si je perce, y'aura ma fougue et ma tristesse. Pour la foule, pas pour le business. Mon amour, t'étais ma sirène. Ne me demande plus si je t'aime. Y'a personne qui a des couilles dans ce monde de merde. Oui, j'en ai pris des coups, j'ai pas honte de plaire. Des sacrifices pour ça, je reviens de loin. Ma belle, je suis jamais là, on se voit demain. Y'a personne qui a des couilles dans ce monde de merde. Oui, j'en ai pris des coups, j'ai pas honte de plaire. Des sacrifices pour ça, je reviens de loin. Ma belle, je suis jamais là, on se voit demain. Tu sais, moi je connais très bien le fils. Je fais du rap, c'est un monde superficiel. Si je me marie, faut qu'elle soit bien la fille. Qu'elle s'en fout du rap, qu'elle soit sûre d'être fidèle. L'amour se détruit et nos deux cœurs s'éloignent. De la haine, du dépit, bien sûr, on en témoigne. Je perds la tête perdue dans mes émois. J'ai le mort car la vie m'éloigne de tes bras. Si j'ai du bif, ne reviens pas. Si tu m'aimes, c'est pas parce que j'ai du style. Y'a pas de souci, mais je ne te crois pas. Tu voulais ça, je pense que t'as réussi. Les ambitions personnelles avant l'amour, je dois fortifier le destin, couper le sommeil. Je suis un rappeur et ce n'est pas un tabou. Mais les paroles de ces gens ne sont pas honnêtes. J'ai vu des petits m'adorer et kiffer. J'ai vu des grands être jaloux de mon identité. Moi je suis resté pareil, mon cœur est de qualité. Je ne veux plus de mensonges en quantité. On a fait du sale, ils veulent qu'on migre ailleurs. On les a shootés au fusil mitrailleur. Que des bang bang bang quand j'écris ma peur. Tu me rends ding ding ding quand tu cries mon cœur de balle. Tu fais mal, tu le sais, donc tu continues les failles de mon âme qui saigne, tu y contribues. Laisse-moi faire ma vie, laisse-moi faire mes tiers. Je ne veux plus te revoir, je veux que tu te taises. Tu ressens trop de mal et tu voudrais qu'on t'aime. Mais tu ne sais même plus sur qui tu peux compter. Je fais mes trucs simples et les jaloux arrivent à m'envier. Pour eux c'est déjà la fin alors que l'on est qu'en janvier. Planète Rap sur Skyrock. Nocturne. Ça c'est pour ceux qui t'habitent. Oh yeah. Ouais, c'est la roulette russe 6. X. T'es potes ont sucé des bites. Sadek. Je leur souhaite qu'ils réussissent. Je suis pas de ceux qui débutent. Ouais, je suis de ceux qui débutent. De ceux qui mettent des buts. Pas de ceux qui mettent des jupes. Jamais lâcher le steak. J'y passe dans sur le tech. Le gars monte pour la plaque. La PG qui nous traque. Comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab. Je suis sur un dé, c'est comme d'hab. Il cache sa grand-mère, c'est comme d'hab. Comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab. Comme d'hab, comme d'hab. C'est Dieu qui donne tout ce qu'on a, on le mérite. Merci, merci, merci. Pitié et compassion exclus du lexique. J'ai qu'une équipe, elle est très fine et technique. Merci, merci, merci. Nous faire la guerre, ton marabout est sceptique. Oh mon Dieu, j'suis du père. J'veux tout faire, tout voir. La course vaut moins que le pourboire. J'me fais sucer dans le Uber. J'le fais, j'demande pas. Si tu m'aides, fils de pute, c'est que t'as pas le choix. C'est pour ça, ça compte pas. C'est comme une pouca qui envoie un mandat. On a les brigandés, plus de bif que les joueurs de les vanter. Sans s'en vanter, qu'est-ce éclaté. Dans la poche y'en a 230D. T'es démarqué, je vais centrer. Millimétré, plus qu'à marquer. Elle est cambrée, je vais lui rentrer. Logique comme dormir ou manger. Je suis dans un monde parallèle. Un requin dans le canal. Les anges brûlent leurs ailes. Les roses leurs pétales. Elle veut que je la soulève. Que je la traite comme une bécane. C'est pas Coconut Chanel. Elle c'est Coco d'Archétane. J'suis pas de ceux qui débutent. Ouais, j'suis de ceux qui débutent. De ceux qui mettent des buts. Pas de ceux qui mettent des jupes. Jamais lâcher le steak. J'y passe dans sur le tech. Le gars monte pour la plaque. La PG qui nous traque. Comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab. J'suis sur un dé, c'est comme d'hab. Et cache sa grand-mère, c'est comme d'hab. Comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab. Rap français 100% explicite lyrics. La nocturne. Nocturne avec DTF. Qui se rappelle maintenant? Ça y est, le buzz monte, tout le monde m'aime, je suis leur frère. Mais quand j'étais en galère, y'avait pas un chat que mon père. Mais qui se rappelle? Quand j'étais dans le hall en entendant les clicos. À la vie c'est dur, mais hamdoulay, le travail paye. Retour au charbon, demain c'est loin, il me reste qu'une feuille. J'te kiffe ma belle. Mais j'ai besoin d'euros, faut que j'aille remplir le frigo. Retour au bon char, retour à la zombie. Higo, j'ai pas de chance, j'peux pas laisser tomber. Ça fait clic, clic, bang. Si tu touches la mythico, je suis prêt à prendre du ferme. Aïe avec des groupies, elles veulent juste mon oseille. Mon amour, je l'ai donné à celle qui m'a fait naître. Le shit dans les couilles, dans la table, les armes de l'Est. Je veux mon putain de merco, toute la mi-pas Los Angeles. Java veut me faire de l'ombre. Chico sort la lame. Malgré les soucis, il contourne la page. C'est pour la famille, je suis posé dans le bas de sa mère. La vie c'est dur, mais allez, je porte mes couilles sur le terrain. Je suis pas dans votre game, viens me tais, je te casse terrain. Viens me tais, je te casse terrain. Je suis posé dans le bad. Pas en glisser la crise, je tourne en rouille. Que je crois que je vais bras. Mais je résiste, vida loca, tu connais, non. Moi je connais pas. Laissez-moi. Besoin qu'on m'éclaire, putain, Chico, autour de moi c'est noir. Ah, je fume mon terre, je suis sous le soleil. J'ai beaucoup d'amis, mais j'ai peu d'oseille. Mais qui se rappelle quand j'étais dans le noir? Quand j'étais dans le noir? Quand j'étais dans le noir? Qui se rappelle de mes rancœurs? Y'a la fuite et les rumeurs. Plus l'on lutte, plus la rumeur. Y'a la flûte, y'a les rumeurs. Aïe aïe aïe. Plus l'on lutte, plus la rumeur. Aïe aïe aïe. Aïe aïe.

des extras sur instru. Dans la rue, les combattants serrent les rangs. Fier même sans un franc, oublie la frime qu'on prend. J'avoue mes rimes comme des seins. Rentrant au petit noyé dans la masse. Les rapaces manquent d'espace et se tirent dans les pattes. Fais place aux bagarreurs du mic. Ici c'est Mars, surface rousse, la population panique. Histoire tragique, atmosphère tendue, volcanique. Linge pendu, mur sali, post-trafic. Tape au cœur de l'Asie, automatique de Madly. La nocturne. Hey, Big Red, Spliff, dédicace, Rude Lion. Et à la team Joule, la team Joule aussi. Ouais, non, non. Hey, big up à l'un des grands monsieur que certainement les jeunes ont oublié, Fred. Tu vois, ils ne connaissent pas. Rude hein? Lion. C'est le gros producteur français et un grand monsieur qui a produit Express D, qui a beaucoup aidé la mafia country et inspiré beaucoup de gens. Et grand respect à lui, parce qu'il n'est plus de ce monde aujourd'hui. Et on écoute ce son, vous allez l'entendre un moment. Grand producteur. Gros producteur. Respect or die. Un moment, vous allez entendre Rude. Je suis chirdé dans ton canapé, nomade. Rude Lion, tu nous manques. Nocturne, dernier classique ce soir. Mais ça me met bien. Qu'est-ce que Salut les bénéfices quand tu Mais attention, je vais pas me faire les bénéfices. Je marche au vert et rien d'autre pour me mettre Jeff Cambalouet. Salut les bénéfices quand tu baisses. C'est la fin de la nocturne, avec le son à l'instant de Big Red Spliff. Dédicace, dédicace. Rude Lion. C'était beau. Ouais, que Mars, les vrais savent. Yeah. Tu crois que je suis un vrai, je sais, ou pas, Juliette? Comment? Tu crois que je suis un vrai, que je sais? Bien sûr que toi, t'es un vrai, que tu sais. C'est rien du tout, t'es un papi Kaira. Non, c'est pas un papi Kaira. Eh, seuls les vrais savent. Vous savez, vous matrixez sur Tupac? Matrixez-vous sur Rude Lion et apprenez son histoire. Grand, grand, grand, grand monsieur de l'histoire du rap français, n'est-ce pas Fred? Ce soir dans la nocturne, il y avait Juju qui était là, Juliette était avec nous, Nora était dans la maison, Marie était dans la maison, toujours. Greg était dans la maison, Elvire famille. Était dans la maison. La nocturne est finie. Le seul qui représente, c'est Fred. Il est où, Fabuleux? Il est là. Il est où, Fabuleux? Il est là. Fabuleux gros, t'es prêt ou pas? Ouais, on y va. On est reparti, merci à vous tous. Rencard dès lundi 20-21 pour un nouveau Planète Rap. On sera avec notre ami l'artiste à pas louper. Ouais l'artiste, gros bisous et bonne semaine à vous hein. Marie était dans la maison, vous l'avez entendu, en pleine forme. Et là il est grand temps de tirer le store et d'aller vagabonder. Et tu passes quand au Camerounais Fred? Mais ça arrive le Camerounais, il arrive. Le Camerounais t'inquiète. Il passe quand? Il arrive Fred. Mon Camerounais. Allez, c'est parti. Fabuleux. Je finis juste avec un classique, mais international, celui-ci. À l'époque où j'écoutais de la funk avec des cheveux sur la tête. À l'époque où tu savais danser, gros. Allez, ciao, bonne nuit, c'est fini pour la nocturne.